Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. On vous en avait parlé lors du live jeudi soir de Late Night Wessels. C'était une annonce qu'on vous avait bien teasée et puis faite tout à la fin du podcast. C'était sur donc le nouveau podcast NXT que vous retrouverez toutes les 2 mois à peu près donc. Et donc NXT, c'est quand même la branche du futur donc. L'intérêt de parler quand même des catcheurs qui peupleront le futur de la WWE. Et ce soir avec deux intervenants, d'abord un petit coup d'œil en Alsace avec Sébastien. Salut Seb. Salut tout le monde, très contente de faire partie de ce premier numéro de la NXT sur Wrestlers Radio. Eh oui, d'autant que c'était ton idée, donc c'est pour ça. Faut le Eh souligner. oui, c'est mon petit bébé, on va dire. Eh oui, les initiatives doivent être quand même un petit peu mises en valeur. Et Verpa, salut Verpa. Salut à tous. Sur ce, on va parler du produit NXT avec donc à l'occasion du pay-per-view Arrival qui avait lieu donc la nuit de jeudi à vendredi, exceptionnellement en pay-per-view qui durait 2 heures. C'est pas le cas d'habitude, mais on va vous détailler ça après le jingle qui est le theme song de NXT. Voilà, à tout de suite. Et donc nous revoilà pour parler de NXT. NXT qui a été créé en 2012, officiellement lancé le 20 juin 2012 à la Full Sail, University de Orlando en Floride. Voilà, le petit historique est utile. NXT, c'est un nom que vous connaissiez sûrement avant, notamment NXT 1, NXT 2, NXT 3, NXT 4 et NXT Redemption, un programme adoré par Verpa, je sais. À l'époque, ça. Très grand fan, oui. Ouais. Ouais, ça te C'est manque une série beaucoup. mythique, hein. Eh oui. Remporté par Derek Bateman d'ailleurs à l'époque. Ethan Carter The Shield, actuellement à la TNA, voilà pour le petit aparté. Mais voilà, on a eu donc NXT 1 avec la Nexus. Et puis donc à l'arrivée, le produit s'est quand même bigrement essoufflé. Une petite relance NXT, c'était anciennement la FCW tout simplement. Ça a changé de lieu parce que la FCW était à Tampa Bay. Et pas de région, c'est toujours en Floride, mais voilà, on a eu l'OVW, la FCW, maintenant c'est donc NXT qui est le nouveau terrain d'expansion, de la WWE. Donc voilà, avec quelques superstars qui, comme vous allez le voir, qui font des allers-retours des fois NXT. Je pense qu'on peut passer déjà d'entrée sur le premier match, faire après une introduction de Triple H qui a l'habitude d'intervenir à NXT. Seb qui regarde souvent, qui regarde tout le temps, Verpa pas aussi souvent, je crois. Triple H a quand même beaucoup l'habitude d'intervenir à son bébé, si je m'abuse. Ben, il est surtout là pour faire les grosses annonces, on va dire. Le manager général, c'est officiellement JBL, mais on le voit quasiment jamais. C'est surtout Triple H qui est là et qui fait, dès qu'il y a un gros truc à annoncer, il est là et ça montre un petit peu qu'il est vraiment impliqué dans ce projet, donc ça fait plaisir. Et oui, et puis d'autant que là, c'était pour lancer donc la première retransmission officielle en streaming d'un programme produit par la WWE sur le Network, donc qui a été lancé lundi dernier. Et il valait mieux qu'ils testent un petit peu d'ailleurs parce qu'il y a eu quelques petits problèmes. Donc voilà. Mais le premier match explosif opposé Cesaro parce que on oublie le Antonio maintenant qui affrontait Sami Zayn. Vainqueur Cesaro après 23 minutes 05, comme vous voyez, une sacrée durée quand même. Et je vais passer la parole à Verpa pour analyser le match. Très bon opener. Hein. On savait déjà que les deux étaient très bons ensemble, parce qu'il y avait déjà eu un match qui avait été fort apprécié et qui avait été qualifié de match of the year, un match en trois tombées. Mais là, vraiment, pour un opener, c'était vraiment idéal pour pouvoir lancer la soirée sur les chapeaux de roue. Quand on voit le niveau des deux, que ce soit dans leur passé en scène indie, à la ROH, ou que ce soit à la WG Chikara, ou aussi. même ici à. Ouais, sur la côte ouest. Donc là ici à la NXT, c'est vraiment un régal de voir les deux dans un match qui aurait pu encore être meilleur, j'en suis sûr. Parce qu'il y a encore quelques petites choses qui pouvaient être améliorées, mais c'est vraiment un match de très très haut niveau. Ah, une sacrée exigence, hein. Je sais pas si Seb la partage ou si t'as été comblé par la durée. Ah si, moi j'ai totalement adoré ce match-là. Hein. D'ailleurs, je conseille à n'importe quel fan de catch de voir ce match-là, même s'il ne suit pas NXT. C'est un must-see ce match-là. Je le mettrai cependant un petit peu en dessous du précédent, le Two Out of Three Falls match, que je trouve encore mieux, parce qu'il y avait l'effet de surprise qui était présent et certaines prises que j'avais jamais vues de ma vie qui ont été proposées ce soir-là. Donc je mettrai tout d'abord le Two Out of Three Falls en position 1, et juste derrière celui-ci, mais c'est clairement du très très haut niveau entre deux catcheurs qui seront, je l'espère, dans les main events de la WWE dans les années à venir. Pour Cesaro, c'est bien parti, et pour Sami Zayn, en tout cas, j'y crois beaucoup. Moi, je dirais même qu'il pourrait être peut-être le futur Daniel Bryan, parce qu'il a vraiment un talent monstre, ce gars-là. Et donc, j'attends vraiment de voir le moment où il arrivera dans les main rosters de Raw et de SmackDown. Mais ce qui reste à travailler, ce sont encore ses aptitudes au micro, même si NXT, ils travaillent beaucoup avec lui sur ça, parce que bah, il parlait jamais avant, hein, enfin, ou très très peu. Parce qu'avant, à l'époque, c'était El Generico, catcheur canadien, bah, il avait un masque arrivé à la WWE, bah, et le masque lui a été retiré, donc, et puis il est arrivé en Sami Zayn. Et ouais, voilà, c'est les aptitudes in-ring, il n'y avait pas de problème. Et lui, de toute façon, il s'adapte à tous les styles, il mélange un peu tout. C'est vrai qu'il a des prises assez exceptionnelles, de toute façon, et... Notamment ce bon là, il n'est pas passé parce qu'il a été cueilli par un uppercut, mais le topé suicida en quelque sorte en passant d'un côté du ring à un autre entre les cordes, c'est assez balèze ça. Il avait réussi lors du match aux trois tombées, donc c'est la petite différence là. Il s'est évidemment fait cueillir par l'uppercut, donc mais il y a eu quand même bah, un sacré nombre de prises. C'est impressionnant, hein. Enfin, c'était un match qu'on voit très très peu à WWE. Moi, ça, j'ai cru voir vraiment un match du circuit indépendant. Donc, comme quoi, il y a le changement de mœurs au fur et à mesure. Mais déjà, les Bryan, on a un peu ça. Donc, voilà. C'est un peu lourd. Hein. Moi, je me rappelle Bryan Punk, par exemple, c'était très stylé, indépendant. Et d'ailleurs, comme tu es un spécialiste de l'indie, petite question, j'ai pu voir que Sami Zayn avait les drapeaux de nombreux pays sur sa tenue. Est-ce que ce serait pas par hasard tous les endroits où il a catché dans le monde? Ah Si oui. ça représente tous les pays dans lesquels il est allé catcher. D'ailleurs, j'ai essayé de rechercher parce qu'on voit le drapeau français qui est derrière l'une de ses cuisses. Mais par contre, il y a un drapeau qui est assez surprenant en fait. J'ai l'impression qu'il y a le drapeau de la Flandre. Alors, je sais pas, faudrait se pencher de plus en plus sur la question. Mais comme on sait qu'on a peut-être des auditeurs belges qui pourraient nous répondre, mais est-ce qu'il y a vraiment le drapeau de la Flandre sur le pantalon J'ai pas fait de gaffe, Sami enfin, Zayn? Parce si un lion, c'est la Flandre, oui. Oui, et je pense qu'il y a le lion sur fond jaune, donc il me semblerait bien que. Mais bon, l'un de nos auditeurs belges pourra nous répondre sur le Facebook de Wrestles Radio. Mais en dehors de ça, c'est sûr qu'il était connu pour être une sorte de mentor, un petit peu comme ce que fait Sangre Azteca avec l'APC en France, c'est-à-dire une sorte de formateur extérieur qu'on fait venir dans chaque pays. Donc il était intervenu beaucoup dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves, mais également dans des pays tels que la Grèce ou même en Amérique du Sud avec son copain Super Crazy. Eh oui, non, mais c'est vrai que bah, il a quand même une sacrée expérience. Il peut même faire coach, effectivement, auprès des jeunes talents déjà. Bon, on le voit, par exemple, à Sarah Del Rey là, qui est arrivée en coach à la WWE Performance Center. Donc voilà, tout ça, c'est ces arrivants quand même expérimentés, ils aident certains. Et je sais pas s'ils ont aidé là les deux. Enfin, je sais pas si y a quelque chose à rajouter sur ce match. Peut-être juste une analyse d'ensemble en fait, c'est parce que puisqu'on parle de pays, on remarquera quand même que sur la carte en général, dans tous ces espoirs, que ce soit Sami Zayn, que ce soit pas El Generico, Antonio Cesaro désormais, que ce soit Emma, que ce soit Paige, il y a quasiment plus d'Américains en fait. On a tout sauf des Américains. Donc Eh est-ce oui. que ça va pas poser problème dans les questions, dans les années à suivre peut-être, parce que même Adrian Neville est anglais de base, Paige anglaise. El Generico, Sami Zayn Oui, canadien, canadien. Cesaro suisse. Donc au bout d'un Emma moment, est australienne aussi, ouais, donc. voilà, on va plus avoir grand monde. Hein. Donc c'est vraiment ce qui m'a frappé. Ah, en effet, oui. Mais au moins, petite assurance ou peut-être préoccupation, je sais pas quoi dire. Pour le match d'après, parce qu'il me semble que c'est deux bons Américains, les deux qui s'affrontaient. Mojo Rawley qui a affronté CJ Parker, et victoire de Mojo Rawley après 3 minutes 24. Lui, on est certain, il est bien américain. Ouais, ben Mojo Rawley, c'est un ancien footballeur américain qui est arrivé courant 2013, mi-2013 à NXT, et puis ben, qui a un personnage assez particulier, c'est un espèce de Ultimate Warrior, quoi. Le gars qui est à fond, à fond, à fond, et vaut mieux que ses matchs durent peu de temps comme là, parce que sinon ça tient pas, et ben, il a un arsenal assez pauvre, moi je trouve, et puis en face, CJ Parker, bon, c'est un gars qui est là depuis pas mal de temps, hein. Je le connaissais déjà de la FCW, où il était le champion par équipe à une époque, et là il a changé de gimmick en cours de l'année 2013, où il est devenu une espèce de hippie. La semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, il avait affronté The Miz. Il était monté d'un coup, un personnage heel. Bon, c'est bizarre parce que bon, je sais pas, lui, je ne vois pas trop d'avenir, malheureusement, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, parmi les deux, là, c'est. Je suis pas sûr qu'on ait vu de l'avenir. Ah, moi, j'en aime aucun des deux, hein, tout simplement. Déjà, CJ Parker, quand il était face, personne ne l'aimait, hein, dans le public, aucune réaction à son égard, si ce n'est de siffler. Donc, c'est une bonne idée de l'avoir fait tourner en heel, mais même en heel, je ne vois pas forcément un avenir brillant. Sa gimmick me plaît pas et je la trouve pas très intéressante. Et c'est le cas aussi pour Mojo Rawley. On le construit comme un personnage qui est extrêmement dynamique, etc. Mais moi, ça correspond pas avec le physique que je vois. Le type, il a pas de charisme. Il est gros. Il est un petit peu grassouillet, je trouve. Non, moi, je vois pas d'intérêt dans ce gars-là. Hein. Je sais pas si je suis le seul à partager cette idée, mais moi, je vois pas d'avenir dans aucun de ces deux-là. Ah oui, non, mais pareil, j'ai dit, je sais pas, vers pas, mais. S'il n'est pas poussé à fond, comme pouvait l'être un Ryback, je pense qu'il aura du mal à la WWE parce que, en fait, il est à mi-chemin un petit peu avec un physique, on va dire, et qu'Alexander Rousseff, mais il a du mal, en fait, il est dans un entre-deux, alors c'est difficile de pouvoir le classer quelque part. Et on sent bien que c'est quelqu'un qui n'a pas la fibre derrière de la comédie parce que on sent que c'est surjoué. Mais après, en dehors de ça, c'est plutôt pas mal, on sent il y a quelque chose qui est construit avec lui. Bon, CJ Parker, je pense que la porte n'est pas très très loin. Mais Mojo Rawley, bon. D'ailleurs, il y avait son fan club, je crois, dans le public, au 3 ou 4e rang, avec des t-shirts blancs, si vous regardez bien durant le show NXT. Bon, pour l'instant, il a l'appui des officiels. Mais lorsqu'il l'aura perdu, je pense que ça sera dur de se recycler. Mais si on lui change sa gimmick et qu'il arrive à s'en sortir avec une identité à peu près potable, on peut en faire quelque chose. Ben ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même qui passe par NXT, donc et bon, on va le voir au prochain match par exemple, mais c'est vrai que c'est un laboratoire, de toute façon, un changement de gimmick. Déjà CJ Parker aussi a changé de gimmick, et puis il y en a pas mal là au cours du il y aura un exemple un peu plus tard, même s'il a pas vraiment catché aussi, de Tyler Breeze qui était un autre catcheur. Bon, on en parlera un tout petit peu après, mais voilà. Mais dans les médias, bah, le premier titre de la soirée défendu, les titres par équipe de NXT avec les champions, The Ascension, composé de Connor et Victor, qui affrontaient Too Cool, Scotty 2OT et Grandmaster Sexay. Victoire de The Ascension après 6040. Oui, ça c'est d'un côté, je suis pas sûr qu'on parle d'avenir. C'était bon, bah, Too Cool, on les avait vus récemment lors du Road School, ils avaient fait une bonne performance, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils les ont relevés pour affronter The Ascension, qui ont régné record 169 jours au jour où on parle, c'est-à-dire on est vendredi, ils sont champions depuis le 12 septembre 2013, mine de rien, mais ils n'ont pas de concurrence, donc moi je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, honnêtement, enfin ils ont une gimmick bon, qui est là depuis quelque temps, hein. Au départ, Victor, c'était pas le coéquipier de Connor. C'était Connor O'Brien, celui qui était à saison 3 de NXT, et à saison 5 aussi de NXT. Et puis, bah, il a été NXT Redemption, il était managé par Vladimir Kozlov. Donc, voilà, sacré parcours quand même, Connor. D'ailleurs, Verpa là faisait part tout à l'heure là du physique qui te choquait. Oui, de Conor O'Brien, en fait, au début, je m'en souvenais bien évidemment de son physique avec sa gimmick d'amateur de rat, qu'il appelait la ratitude, avec, c'était NXT 3, je crois, NXT 4 d'ailleurs, NXT 4 où il y avait Brodus Clay, où il y avait le mythique Jacob Novak, Je pense que tout le monde l'a oublié, lui. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on pouvait penser que Conor O'Brien allait pouvoir s'en sortir, allait être jobber, quelque part à WWE, mais désormais, son physique a totalement changé. Il s'est métamorphosé. Là, désormais, on voit même des traits, moi qui me rappelle, sur le visage, ceux de Batista jeune, en fait, le Léviathan. Si vous regardez les traits de son visage à l'époque où il était à l'Ohio Valley Wrestling, c'était quasiment les mêmes, avec des veines qui ressortent, une coupe de cheveux un petit peu à la Madsen. Alors je sais pas s'il est encore présent dans le circuit de développement, mais il y avait un catcheur avec une toute petite crête. Non, je l'ai vu, Madsen, et il avait à peu près la même tête en fait. On voit qu'il cherche une tête un petit peu de viking, un petit peu mystérieux. Il recherche un style en fait, et on voit que pour l'instant ils ne l'ont toujours pas retrouvé, mais là vraiment il a un physique impressionnant, même au niveau de la musculature, il a énormément progressé. Alors après dans le ring il a l'air d'avoir perdu de la vitesse, puis de l'avoir mis avec Rick Victor, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, parce que quand on voit le nombre de partenaires qu'il a pu avoir, que ce soit avec Kenneth Cameron, notamment pour l'Ascension, il a quand même du mal. Et oui, d'ailleurs, c'est le dernier, pour la petite histoire, c'est le dernier membre original de The Ascension, parce qu'au départ, le groupe était différent. S'il y avait Ricardo Rodriguez, il y avait Raquel Diaz aussi, la fille de Vicky Guerrero. Donc, c'est quand même assez éclectique. Bon, il y avait Kenneth Cameron, donc son premier partenaire, effectivement. Donc, ouais. Après, moi, je suis pas très séduit, j'avoue, par le catch. C'est surtout un catch assez brutal, mais il n'y a pas beaucoup de contenu, je trouve. Et puis, ils n'ont pas eu une grosse adversité, honnêtement, depuis pas mal de temps. La plus grande que je me souvienne dernièrement, c'est pour dire le drame, c'était Onico et Camacho. Donc c'est pour ça. Je sais pas Sébastien si tu partages mon inquiétude sur ça, mais ouais, je te suis totalement sur ce point. C'est ma grande inquiétude, c'est de voir qu'est-ce qui va en advenir de cette division par équipe, parce que pour l'instant il y a les champions par équipe et il n'y a pas d'autres équipes, hein, tout simplement. Donc pour l'instant on est en train de chercher des équipes aux quatre coins du monde pour leur faire un match one night only, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. Là le retour des Too Cool, ça cache encore la forêt, parce que s'il n'y avait pas les Too Cool, il n'y avait pas d'équipe pour faire face à l'ascension, tout simplement. En même temps, après les Too Cool, je sais pas s'ils ont vraiment une vraie légitimité à être là ce soir-là, parce que c'est pas non plus une équipe qui a marqué l'histoire, j'ai envie de dire. Mais bon, là ce soir, ils sont là pour prendre le rôle de faire valoir, comme c'est le cas de tous les jobbers qui sont en train de bouffer là la team de l'Ascension. J'attends de voir une vraie opposition, et pour l'instant, ça traîne un petit peu en longueur cette histoire-là. Il n'y a pas d'adversaire, hein, pour l'Ascension. Pourrait-on rêver à une team française? Parce que bon, là, je vais glisser là. C'est vrai, j'en ai pas trop parlé parce que malheureusement, c'était pas disponible. En dark match, c'était même pas le pré-show. Le pré-show, c'était un panel et puis il y avait pas de match. C'était un panel animé par René Young avec Paul Heyman, Bret Hart et Kevin Nash. Et en dark match avant, Sylvester Lefort, qu'on connaissait avant sous l'identité de Tom LaRuffa, bien sûr. Qui a affronté Mason Ryan, l'ancien de la New Nexus, et puis bon, ben, le pauvre, il a été un peu squashé, c'est un peu le sort qu'il a, mais il y a un autre français qui est arrivé il y a pas très longtemps, Marcus Louis, et il paraît qu'ils s'associent un petit peu, les deux, ils catchent ensemble à nos shows. Bon, c'est pas très concluant pour l'instant, mais on peut toujours rêver, sait-on jamais, hein, vu le nombre d'équipes après tout. Et Marcus Louis, qu'on a pu voir également il y a deux semaines, hein, se faire squasher par l'équipe des Wyatt. Hein. Et oui, voilà, le pauvre en plus, je crois qu'il a même pas été sur le ring une seule fois, c'était l'autre qui prenait tout, Jason Jordan, il me semble, c'était... C'est ça. C'est pas mal de jobber à NXT. Sur le net, on pouvait lire que Marcus Louis était plutôt bon au micro. Après avoir vu quelques speeches, je réviserai complètement ce jugement-là, parce que vraiment, il m'a pas du tout impressionné au micro. Hein. On sent que vraiment c'est quelqu'un qui a encore du mal à s'exprimer devant une caméra. Alors des fois, bon, on essaye de se faire sa propre opinion par rapport à ce qu'on peut voir sur le net, mais là, je vous conseille d'aller voir une ou deux promos. De celui-là, parce que même si c'est en anglais très compréhensible pour un français, c'est loin d'être bon. Alors ok, c'est le point fort de Sylvester Lefort, plus que d'être dans le ring, beaucoup de travail à faire pour avoir un niveau convenable. Ben ouais, le truc, bon, ben justement, on va passer au petit débat vite fait sur Sylvester Lefort, justement, qui a commencé comme manager là je sais pas, il rebondit encore. Là il cherchait dernièrement, là c'était la quête pour une nouvelle recrue, justement c'est comme ça que ça s'est mis là, sa rivalité contre Mason Ryan, mais bon, qui est un peu à sens unique là, ça fait deux fois que se fait squasher. Mais quand même, Sébastien, Sébastien Lefort, tu le vois quand même percer, non? Un peu plus, au moins comme manager. Je sais pas, j'avoue que c'est un gros point d'interrogation pour moi en ce moment-là. Je sais pas si les officiels ont vraiment une confiance en ce gars-là ou pas. Parce que, ils aiment son accent français quand même. Ouais, ils en jouent beaucoup, ouais, c'est vrai que c'est drôle, hein, ça nous fait sourire. Et pour nous, nous Français, on a un intérêt envers ce gars, forcément, parce qu'il vient de chez nous et il n'y en a pas beaucoup des Français qui sont à la WWE. Mais je sais pas si les officiels ont cette même confiance en ce gars-là, parce qu'il a été squashé deux fois pour l'instant pour ses seuls matchs télévisés. J'attends de voir, peut-être que lorsqu'il formera son équipe avec Marc Louis, il y aura un renouveau, mais bon. Je sais pas, je peux pas répondre à ta question là. Ouais, bah oui, de toute façon, bon, c'est vrai que c'est un petit peu des espèces de pronostics sur le futur, ouais, parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que le manager, c'est toujours un petit. À la WWE de nos jours, c'est pas très très viable, c'est ça le problème pour lui, mais bon, on peut voir toujours. Après, bon, il a l'air d'être apprécié, donc c'est déjà ça. On va voir si ça va durer. Enfin bon, on va passer au je sais plus compter moi. Oui, quatrième match de la soirée, deuxième titre en jeu, c'était le titre de championne féminine de NXT, qui a connu qu'une seule championne, Paige, qui affrontait Emma. Emma tout récemment qui a débarqué à la WWE officiellement avec une rivalité à Summer Rae, et puis elle est associée à Santino, et puis évidemment elle a développé sa fameuse danse que moi j'aime pas, et c'est un avis personnel, et Paige l'a emporté après 12 minutes 59 secondes, elle est donc toujours championne, donc bon, et vendredi donc toujours, et 253 jours de règne, c'est le record absolu à la WWE actuellement, c'est mieux qu'AJ par exemple. Ben voilà, elle a été vraiment la seule, et d'ailleurs elle avait battu déjà Emma en finale du tournoi à l'époque pour devenir championne, et le match était introduit par Stephanie McMahon, donc comme quoi il y a, ouais, l'autorité était, on va dire, très concernée, mais très neutre là. C'était pas dans un rôle d'autorité, c'était vraiment là on voyait la patronne qui annonçait son truc. Donc qu'en a pensé le spécialiste du catch féminin de ce match entre l'anglaise et l'australienne, les Jeux du Commonwealth? Eh ben, étonnamment, j'ai été déçu. J'en attendais plus en fait. On était super bien parti avec ce pay-per-view, avec un premier très très gros match. Alors après, bon, on avait le match un peu bouche-trou avec Mojo Rawley, mais et puis le match par équipe. Mais je pensais qu'on allait aller réaccélérer un petit peu le rythme avec un match féminin dont on pouvait en attendre quelque chose de grand. Logiquement, vu l'affiche, il y a quand même Paige, c'était quand même pas mal, mais on sent qu'il y a encore un petit blocage. Évidemment, il y a les deux dernières minutes avant le pin qui sont vraiment tout à fait géniales, mais avant j'ai trouvé que c'était vraiment très lent en fait. En dehors de ça, Emma, déjà que je n'aimais pas tellement en indie, quand elle s'appelait Tenille ou Tenille Taylor, qui passait, oui, notamment la Shimmer. Tenille, c'est son vrai prénom déjà au départ, donc ouais. Oui. Taylor, ouais. Puis au début, elle avait commencé dans les fédérations du sud-est de l'Australie, aux environs de Melbourne, notamment dans des fédérations où est pas parce qu'il tournait en indie, mais vraiment Paige, j'ai du mal. Alors les deux, même si elles ont beaucoup de talent, j'ai du mal vraiment avec le style qu'elles ont, parce que on voit que ça manque de liant des fois. Alors il y a quelques prises évidemment qui sortent du lot, mais au niveau de la psychologie, il manque parfois quelque chose. Et puis il faut dire que la gimmick d'Emma non plus n'aide pas tellement, quoi. Bah oui, voilà, ouais. D'ailleurs, dans le petit clip, parce qu'il y avait à chaque fois des clips de, oui, présentation de chaque catcheur ou catcheuse, elle disait, ouais, que la danse, elle a appris en faisant du catch, donc, assez particulier. Et ouais, c'est sûr, ça aide pas à une gimmick de danseuse, ça après quand on veut vraiment faire du catch. D'ailleurs, petite particularité, Paige, elle a gagné par soumission, ça, au jeu d'Emma qui a tendance à utiliser la soumission, mais là c'était Paige qui a gagné par soumission. J'ai rarement vu gagner par soumission, il me semble. Je sais pas, Sébastien, si t'as mémoire de ça. Mais... Ouais, mais à ma connaissance, c'est quasiment la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois aussi qu'elle a utilisé cette prise. Hein. Je l'ai jamais vu faire cette prise-là. Moi, c'est la première fois que je la vois, tout simplement. Après, pour revenir au match en soi, moi je trouvais que c'est largement meilleur que tout ce qu'on a à la WWE. Et je veux dire qu'il y a un problème quelque part quand on voit qu'il y a Aksana par exemple ou Eva Marie qui sont dans le roster principal et que tu vois Paige et Emma encore à NXT, et on se dit que la Terre. Enfin, non, non, Emma a intégré la WWE, c'est plutôt le cas de Paige qui est embêtant après. Mais c'est un problème d'âge. Ouais, bah elle est jeune. C'est un problème d'âge avec Paige. Parce qu'en fait, je sais pas si elle a atteint actuellement ou pas les 21 ans, mais en fait, il y avait un problème, une règle non écrite, comme quoi, à ce qui paraît, la WWE n'envoie personne sur la route si une personne n'a pas 21 ans pour des histoires de mineurs majeurs et de légalité aux États-Unis. Ce serait pour ça. Kelly ou parce que Kelly, faut rappeler. A priori, il y a dû avoir des précédents avec Kelly, donc la situation a dû être clarifiée, donc c'est pour ça. Ou JoJo, par exemple, 19 ans, donc bon. C'est bizarre, plus récemment. Oui, mais Jojo, elle a jamais quasiment lutté. Enfin, c'était quelqu'un de la télé-réalité qui a été amené dedans. Elle mais... a fait quelques petits matchs, oh, très peu, ouais, mais voilà. Moi, ce qui est Eva Marie, malheureusement, parce que Eva Marie, on aurait préféré qu'elle ait zéro match. Mais... mais ouais, non, mais c'est vrai qu'on dit souvent que Paige est voué à être l'adversaire d'Edge, ça sera un bon choc, moi je trouve. Elle est quand même d'une famille de catch, il faut préciser vraiment. Et la mère qui s'illustre beaucoup à la Shimmer, il y a aussi bah, ils ont la famille, il y a une fédération je crois en Angleterre, il y a le frère qui lutte aussi en Angleterre. La famille Knight, ils avaient même un documentaire qui leur était dédié, il me semble. Je regarde, bah, elle a 21 ans, hein. Elle a 21 ans, hein, parce qu'elle est du 17 août 1992, voilà pour le détail. Donc, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Mais après, c'est savoir quand la faire entrer, voilà. C'est ça le truc. Vous la voyez vraiment arriver WrestleMania aurait été une occasion parfaite hein, pour faire le choc contre AJ Lee. Bon, maintenant, malheureusement, ça ne se fera pas. Mais j'attends quand même de voir ce match un de ces jours dans un gros show parce que ça peut être assez excellent entre deux très bonnes lutteuses. Eh oui. Non, mais c'est vrai que c'est un désert actuellement, les divas, comme vous l'avez dit. Et la NXT, bon, là, il y a, voilà, il y a Paige, bon, Emma qui vient de monter. Il y a Summer Rae aussi qui catch encore, qui est associée à Sasha Banks. Il y a Charlotte, la fille de Ric Flair, on les a vus juste avant le match dans le public. Pourvu qu'elle soit virée, elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment mauvaise, hein, une ringuée. Bon, en même temps, hein, voilà, elle est pas trop faite pour ça. C'est plus le nom. Fait, ouais. Oui, voilà, Bayley aussi, effectivement, oui. Qui est un peu cruche quand même, mais... Oh, c'est le personnage qui est un peu comme ça, ouais. Ouais. Les personnages n'aident pas trop. Après, voilà, après, les féminines... bon, il y a Lana, mais elle est manager, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est... Et d'ailleurs, c'est assez drôle de mettre Lana avec Alexander Rousseff, alors que s'il y avait une simple logique, on aurait mis Aksana. Et parce que Lana est quand même américaine, donc c'est assez drôle de lui mettre un personnage de russe ou de bulgare, alors que Aksana est déjà dans le roster et ne fait pas grand chose. Ouais, ça doit être assez marrant, effectivement, mais bon. Vraiment, on sait pas vraiment. L'orientation des divas, on sait pas. À part Edge, voilà, et puis Paige, vraiment des championnes hyper stables. Ça veut dire que c'est un peu dépeuplé, surtout que Paige, ils ont jamais réfléchi à lui enlever le titre, même là, elle revenait d'une assez longue blessure, enfin, une indisponibilité assez... de pas mal de semaines, quand même, donc... ouais, le catch féminin, là, bon... Bah, il a un avenir qui se fait à 2-3 noms, quoi, maximum, mais pas plus. Donc on repêche, hein. D'ailleurs, si tu me permets de revenir sur Tenny Taylor, oui. On peut remarquer déjà que en fait, il y a le programme World of Hurt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le programme qui était consacré à une série en 12 ou 13 2010, épisodes. 2010-2011, avec oui. Roddy Piper aussi, qui et Lance consacré Storm. Consacré à Lance Storm, voilà, dans la fédération et dans un camp d'entraînement de Lance Storm, donc au Canada. Quand on remarque dans cette série, donc il y avait quoi, 12 ou 14 catchers, je crois, on remarque quand même qu'il y avait Sylvester Lefort, donc anciennement Tom Lampfa. Il y avait Tenny Taylor qui donc maintenant est devenue Emma. Et en plus, il y avait Mike Dalton qui venait aussi de ce show-là. Et en plus, on peut même ajouter Taya Valkyrie qui maintenant est à la AAA dans l'une des plus grandes fédérations mexicaines. Donc au final, des petits programmes comme ça, on voit qu'il y a une continuité. Ça passe de l'indie à une petite émission de télé-réalité dans un camp d'entraînement. On passe à NXT et ensuite on passe à la WWE. Ah ben oui, non, mais c'est sûr que c'est quand même pas un petit programme de gnognotte, et puis c'est pas mal pour la Roufa, hein, parce que ça l'a quand même formé, parce que c'est vrai que s'il était resté tout le temps en France, il serait pas arrivé à ce niveau-là, c'est sûr. Enfin, non pas que je veux clasher les fédérations françaises, non, loin de là, mais il faut varier les expériences, et ça on le sait. Marcus Louis, pour y revenir rapidement, il vient pas de réseau français, il vient de la Nouvelle-Zélande en réalité. Donc c'est le réseau assez particulier tout ça. Et quand tu parles de cosmopolitisme, il y a aussi Oliver Neville d'ailleurs, Adrian Neville, si vous écoutez bien la bande son américaine, au tout début, donc on avait déjà El Generico, Sami Zayn qui présente tous ses drapeaux sur son pantalon, mais Adrian Neville, au tout début, on le décrit comme étant une star internationale, particulièrement du Japon. Donc là encore, on voit qu'il y a une importance en fait de la formation, de connaître tous les styles qui se font actuellement dans le monde. Et on le voit même avec les nationalités. Tout à l'heure, on en parlait, il y a des joueurs de tout le monde, sauf des Américains actuellement à NXT. Là, c'est pareil, il faut varier les expériences pour pouvoir percer et arriver à NXT. On va évoquer, c'était pas un match, mais ça donne l'occasion de parler d'un catcheur dont on avait parlé un petit peu lors du Royal Rumble cette année. Au départ, c'était un match entre Xavier Woods, ouais, il existe toujours, qui affrontait Tyler Breeze, justement, anciennement Mike Dalton, une nouvelle gimmick, enfin nouvelle, il y a quand même plusieurs semaines maintenant, de mec qui fait très attention à son look et. Ben les deux se sont littéralement fait défoncer par Alexander Rousseff, le Bulgare, dont vous voyez d'ailleurs des promos régulières dans les shows de la WWE, et qui était apparu au Royal Rumble, il avait fait une bonne performance. Voilà, c'était le gars de NXT qui apparaissait cette année, comme on sait qu'il y a maintenant il y en a un qui apparaît chaque année au Royal Rumble. L'année dernière c'était assez malheureux parce que c'était Bo Dallas, mais ça nous reviendra tout à l'heure. Mais que pensez-vous de Rousseff? Parce que Woods, bon, ben, lui, on sait ce qu'il est devenu, c'est-à-dire pas grand-chose, là. Et puis Tyler Breeze, bon, il remonte assez la pente, mais bon, je sais pas. Direction la poubelle. Mais Rousseff, alors. Quelqu'un qui s'était quand même brisé le cou, une blessure sérieuse, il en avait profité pour apprendre les arts martiaux en Thaïlande, et voilà, c'est comme ça qu'il est revenu en 2013. À WWE NXT et ce nouveau style, catcheur pieds nus, est assez spectaculaire. Hein. Seb l'apprécie bien, je crois. Ouais, moi je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a un physique très impressionnant et pourtant il est capable de faire des mouvements assez spectaculaires et presque un petit peu à la manière de Samoa Joe, j'ai envie de dire, même si c'est pas une comparaison qui est forcément légitime, mais c'est un petit peu le même style, j'ai envie de dire. Moi je trouve qu'il a un avenir assez brillant, parce que si on se base sur ce qu'il a fait à NXT. C'est une machine de guerre, le mec. Hein. Il a gagné tous ses matchs, sauf une seule défaite, c'était contre Kofi Kingston. Mais sinon, il a tout gagné sur son passage. C'est assez impressionnant. Même au Royal Rumble, il s'est fait éliminer assez rapidement, mais il a montré dans un temps assez bref qu'il est capable de faire de bonnes choses. J'attends de voir ce qu'il va faire à la WWE, mais moi, j'ai de bon espoir pour ce gars-là. Bah ouais, je pense que là on va être assez unanime parce que Verpa aime aussi beaucoup Rousseff. Oui, j'adore Rousseff. Moi déjà j'aime bien cette gimmick déjà. C'est un aspect qui me plaît énormément. En plus il a une super musique d'entrée, hein, avec son petit entron, le drapeau, tout ça. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est Bah, excellent en au plus d'avoir passage, fait il est un vraiment bulgare. bulgare, hein. Il est vraiment bulgare, donc Ouais. il y a encore une nationalité, donc. Et puis on voit bien que dans son personnage il y a une petite teinture sambo, un petit peu comme Kozlov, et en même temps un petit peu lutte turque. Donc il y a vraiment quelque chose d'excellent avec lui. Bon, par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est pas chez Alexander Rousseff, c'est chez Xavier Woods. Qui a eu l'idée de lui mettre le theme song de Bruce Lee ou des Funkadactyls? Non, mais ça c'est Ça depuis n'a l'époque. strictement aucun. C'est depuis l'époque de sa rivalité là avec Brodus, qui a servi à rien du tout d'ailleurs. Et puis voilà, le Non, gars mais n'a jamais ça été n'a aucun installé. intérêt de lui mettre. Pourquoi lui mettre un thème pareil alors que. Il était avec Artruss récemment et donc il avait plutôt un personnage de rappeur, il n'avait pas un personnage funk. Donc je trouve qu'il y a quand même un décalage là. Et bon, de toute façon, on voyait bien que dès le début, il était là pour jobber. Hein. Et puis bon, c'est pas le mythique passage de Tyler Breeze qui m'aura convaincu de son talent. Parce que en tout et pour tout, il ressemble vraiment clairement à Jacob Novak dont on parlait tout à l'heure ou à Lucky Cannon, c'est le type de gars qui a aucun avenir. Oui, voilà, mais au moins Alexander Rousseff, là, c'est bon, on en tient un bon, là. Je vois que Vincent, qui est un spectateur, parce qu'il y en a certains qui sont spectateurs pendant les podcasts sur le chat, là, qui dit que c'est un personnage à Street Fighter. C'est vrai, là aussi, ouais, remarque. Il peut faire un peu Ryu ou Honda, je crois, ouais. Le kick, ça fait un peu Honda, d'ailleurs. J'aimais bien Honda. Voilà, pour un petit aparté, mais ouais, Rousseff, c'est vrai, la WWE, ben, elle cherche énormément les big guys, et puis là je crois qu'elle a trouvé un bon, et puis on n'est pas dans la mire de notre de l'Est, et évidemment je parle de Kozlov, là c'est différent, là Rousseff a l'air quand même bah, bien bien mieux outillé, comme Sébastien le disait, c'est vrai il ressemble à Samoa Joe dans le style, hein. C'est vrai qu'il est massif, mais ah, il a une liberté de mouvement, c'est impressionnant, son kick là sur Breeze, là en entrant, c'est absolument impressionnant, hein. Donc, voilà, non, mais prochainement, c'est sûr, il va faire un impact, mais ça, apparemment, ça va avoir lieu au lendemain de WrestleMania, parce que là, de toute façon, sans aucune légitimité, je Ouais, dirais, maintenant pour lui, ça l'aiderait pas, de toute ça me façon. semble un peu juste, hein. Voilà, ça l'aiderait pas, de toute façon, de le lancer maintenant, donc autant continuer les vignettes, et puis, du super athlète. Et puis, on passe, je pense, au main event, avec Adrien Neville, qui affrontait Neville, pardon, enfin, comme ils disent là-bas, mais bon, ça s'écrit Neville. Qui affrontait Bo Dallas. Voilà, je soupire toujours après quand je dis son nom, mais dans un ladder match pour le titre NXT, premier ladder match de l'histoire de NXT d'ailleurs, et victoire de Neville après 16 minutes 21 secondes, bah, c'est la consécration attendue pour lui, qui s'appelait anciennement Pac, très connu donc bah, sur le circuit indépendant et à Dragon Gate au Japon où il a collecté pas mal de titres. Alors que Bo Dallas, lui, ben, ça fait perpète qu'il est là, et depuis ben, ses 18 ans, en 2008, et il sortait d'un règne record de 280 jours, un règne assez dégoûtant personnellement, mais bon, voilà. Parce que le problème de Dallas, c'est que il a un frère qui lui, par contre, a vraiment passé le palier, parce que c'est Bray Wyatt, le frère. Et Bo Dallas, bah lui, il s'en sort bien, il avait une ceinture, mais voilà, c'est sûr que bon, après c'est le fils de Mike Rotunda, oui, effectivement, mais c'est assez malheureux. Donc, bah, que pensez-vous des deux? Neville, c'est celui le surnom, je crois qu'ils l'ont gardé parce que c'était, il me semble, c'était déjà un surnom de circuit indépendant, celui que la gravité a oublié. Donc, qu'avez-vous pensé du match et puis que pensez-vous des deux catcheurs, Verpa? Un bon petit match, bon légèrement en dessous quand même de l'opener qui était extraordinaire, mais j'ai pas été vraiment impressionné par Bo Dallas, hein. On en a beaucoup parlé. Après, il y a un personnage de face qui est Oui, mais attention. assez Oh non, les spécial. deux devenus un peu heal. Ouais, mais attention. Hein. En fait, t'en as peut-être déjà beaucoup entendu parler, mais si t'en entends Oui. parler par nous, tu le sais très bien, ça a toujours été négatif. Hein, donc. C'est Oui. voilà. Il a quand même un petit talent, c'est qu'il sait faire des grimaces et il a des expressions faciales qui sont intéressantes. Après, en dehors de ça, faut pas trop l'écouter parler. Dans le ring, il a un peu de mal, mais c'est pas Adrian Neville, quoi. Adrian Neville, qui contrairement à son adversaire, est bon à peu près partout. Alors après, il lui manque peut-être un petit peu de prestance au micro, mais Voilà, sur lui. le ring, il se débrouillait bien. Et puis après, ce que je regretterais peut-être un petit peu dans ce main event, c'est l'utilisation des échelles qui est quand même imparfaite. On voyait bien que les deux n'étaient pas des fanats des échelles et ça s'est remarqué tout de suite. Ah ouais, bah ça m'a un petit peu surpris de la part de Neville, qui est quand même un high flyer pur jus, hein. D'ailleurs, il a trouvé le moyen de sortir encore son 630 degrés splash. Ouais, j'ai pas envie de 6 enfin je sais pas, 630, enfin quelque chose comme ça quoi. 720. Ah non, 630. Enfin, j'ai mal Donc il fait un mesuré de... là. Donc il fait un demi-tour de moins Kota Ibushi, ou que Ricochet, en Indy. Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai. C'est un peu le même genre de prise, mais au moins, il y a un petit tour de moins, c'est vrai, j'avais jamais remarqué. Comme quoi, là, on parle de catcheurs différents, putain, quel bonheur, ça aussi Ricochet, Kota Ibushi, au passage, à regarder leur match, c'est un régal. Voilà, c'était pour le petit aparté, mais ouais. Mais c'est vrai que, bon, Bo Dallas, non, mais de toute façon, ladder match, déjà un match simple, Bo Dallas, c'est un drame, alors, ladder match, moi, j'en attendais rien, hein, le gars, dès qu'il avait une échelle, je me disais, oh là là, quel drame. Donc, Ouais, mais voilà. je me fais, je, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur ce coup-là. Je crois qu'ils en jouent beaucoup aussi, la WWE, sur le personnage de Bo Dallas. Hein. Ils font exprès de le rendre un petit peu insupportable, etc. Là, on le voyait tout au long du match. Son objectif, c'était de bloquer Adrian Neville par tous les moyens. On l'a vu essayer de le bloquer sous une échelle, essayer de le bloquer dans les cordes. Tout ça pour l'empêcher d'atteindre la ceinture, tout simplement. Ah, d'ailleurs, au tout début, il avait bloqué le pied entre la corde et puis il s'était précipité pour aller chercher l'échelle où il est à disposer, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, ils essayaient de faire en sorte de montrer que le gars n'était pas là pour faire un match spectaculaire, mais d'essayer de gagner le plus rapidement et même quitte à ne pas faire le spectacle. Et c'est un petit peu son personnage. C'est un petit peu la caractéristique de son personnage. Je veux dire, il est pas là pour faire le show. Il est surtout là pour être insupportable. Et après, la réaction des gens est mitigée, on va dire. Il y a une petite partie de la foule qui l'apprécie, une grosse partie qui le déteste. Mais quoi qu'on puisse en dire, il nous laisse pas indifférents. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il était longtemps champion de la NXT. Il était capable de générer des réactions, chose qui n'est pas forcément évidente pour un catcheur. Il y en a pas mal qui génèrent l'indifférence et autant générer des réactions mitigées que ne pas en générer du tout. Après, concernant Neville, c'est amplement mérité cette victoire. Hein. Neville, pour moi, c'est la version 2.0 de chaque prise. Hein. Chaque prise, il arrive à les innover et à faire un truc de malade que j'avais jamais vu. Donc, c'est totalement mérité cette victoire-là et j'ai hâte de voir comment sera dirigé son règne. Ben oui, parce que on peut imaginer qu'il va y avoir du Sami Zayn, même si c'est du face contre face, mais après tout, les caractères changent, donc on ne sait jamais. Sami Zayn pourrait être le futur. Après, poids lourd, ben, on a eu précédemment, avant Bo Dallas, c'était Big E, avant c'était Seth Rollins, donc il y a quand même de sacrés noms, hein, on voit qu'ils ont quand même un sacré destin. Bon, Bo Dallas, par contre, j'ai quand même des doutes. Et lui, ça m'étonnerait qu'il ait un run de champion intercontinental ou de membre de Shield, par exemple. Mais ouais, Neville peut-être. Après, le profil High Flyer à WWE, c'est un peu compliqué. Il a toujours eu un statut assez bizarre, donc... faudrait qu'il bosse son skill surtout, et puis après peut-être rêver de, parce qu'il a un petit peu le même gabarit que Bryan, mais après bon, c'est pas le même style du tout, c'est pas vraiment le même style, donc après faut... Non, mais il va rentrer en concurrence avec Evan Bourne, enfin s'il revient un jour, parce que non, là, là, oui. 17 ans qu'on l'attend, mais en fait Evan Bourne, il peut se mettre, il pourrait même ne jamais revenir, parce qu'ils attendent, ils attendent peut-être la fin de son contrat tout simplement pour l'envoyer dehors. Parce que Evan Bourne, marijuana, pied écrasé, ouais, c'est oh là là, oh le drame. Effectivement. Il a accumulé, hein. Ah oui, lui, il a accumulé un peu de temps. Au grand dame de Kevin, d'ailleurs, qui est un de ses grands fans. Coucou, Kevin, oui. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai que... Après, niveau flyer, je vais faire le petit point à Sin Cara. Voilà, d'ailleurs, Sin Cara, il avait lutté il y a une semaine ou deux contre Rousseff, tiens, d'ailleurs. Pour revenir, là, au sujet précédent. Mais, voilà, quand on parle de la grosse division, est-ce que vous voyez un autre nom qui pourrait venir... se mettre dans la danse. Neville était en rivalité avec Corey Graves, mais bon, Graves n'a pas vraiment tenu la longueur, je trouve. Et puis en plus, il s'est blessé en cours de route, et c'est jamais très bon d'avoir un physique de verre. Donc, est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait s'imposer un petit peu aussi J'ai toujours Léo Kruger dans un petit coin de ma tête. Mais le problème, c'est qu'il est devenu Adam Rose, une gimmick assez chelou. Après, on a aussi, on va voir aussi Adam Rose. L'apparition prochaine. Oui, Adam Rose, oui. Mais on l'a jamais encore vu lutter à NXT, c'est vrai. Mais à nos shows, il est apparu sous un nouveau nom. Il a changé de gimmick, parce qu'il avait vraiment quelque chose aussi qui était très typé international avec sa gimmick sud-africaine. Donc il aurait même pu faire une équipe avec Justin Gabriel, c'était tout trouvé. Ah oui, les deux, ils sont connus par cœur, donc ouais. C'est vraiment bizarre. Et quand on regarde la liste du roster actuel de NXT, en fait, ce qui est étonnant, c'est que parmi les... On peut voir le nombre de clics sur chaque profil de superstar. Et dans le top 5, il y a quand même Alexa Bliss. Alors pour moi, je la découvre, je sais à peine qui c'est. Donc c'est quand même assez étonnant. Peut-être quelqu'un qui pourra avoir un certain impact sur les réseaux sociaux. Peut-être, à voir. Je sais pas ce que vous en pensez d'elle. Là, t'as dit qui, pardon ? Alexa Bliss. Bon, ah, je la connais pas non plus, donc j'attends de voir. J'ai entendu de nom, mais bon, voilà. Sans plus. Parce qu'on peut voir le nombre de clics sur chaque profil, et elle est quand même dans les toutes premières. Donc en premier, c'est Paige. Et Alexa Bliss est quatrième, donc c'est quand même assez étonnant. Peut-être tout simplement parce qu'elle a un physique avantageux. Hein. Ah oui, les gens aiment bien voir ça. C'est vrai. Hein, mon petit. Et j'avais une question d'ailleurs sur en tant que l'annonceuse, qui était l'annonceuse ? C'est pas un retour de Eden Stiles, de la compagne de Cody Rhodes ? celle qui avait fait quelques annonces à Superstar à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. Mais si, si, si, elle est rentrée apparemment, en cas il n'y a pas c'était bien longtemps. elle. Ouais. Donc, elle a pris une petite année sabbatique entre-temps. Ouais, le temps de se marier, quoi, grosso modo. Ouais. Même si un mariage, ça prend pas non plus un an, mais bon. Mais oui, effectivement, c'est vrai, on a beaucoup parlé. Là, il y a plus d'avenir, limite, au niveau du catch féminin que du catch masculin à NXT. C'est ça le paradoxe. Pourtant, il y a quand même quelques talents. On l'a vu, pas Bo Dallas, encore une fois, mais il y a quelques talents. Après tout, ouais, on a bien eu Seth Rollins. Et aussi Roman Reigns, pardon, fou là, l'accent. Qui s'était bien perfectionné quand même à NXT, ça aide énormément, de toute façon, c'est un passage obligé, donc voilà. Après, il y a aussi Sami Callihan, alors lui, ça va être une curiosité qui débarque là sous la gimmick Solomon Crow, apparemment ça n'a pas trop changé de terrain. Bien sûr, les Wyatt, alors là, eux, ils sont montés aussi grâce à NXT au départ, donc non, c'est un très bon laboratoire, et puis voilà, Cesaro, il n'hésite pas à revenir souvent. Bon, après, c'est parce qu'on lui demande aussi, mais ça lui fait plaisir, je pensais. Et puis voilà, bon, il y a vraiment c'est un bon mélange, hein. Et bah Sinon, il y oui, a aussi fille par y a exemple, bon. toujours l'éternelle énigme, c'est-à-dire Tyson Kidd. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va en advenir de ce gars-là. Ouais, Il bon. apparaît encore sur le site de la WWE. Mais on l'a vu plus souvent apparaître à NXT, c'est vrai, récemment, hein. Surtout quand il y avait Natalia dans un show, il y avait Tyson Kidd, c'est pas compliqué. C'est vraiment assez particulier. C'est vrai qu'il est apparu dans une émission Catch Off avec Christophe Aejus et Philippe Chéreau dans un petit truc pour A1 et RTL9, mais sinon c'est vrai qu'on le voit plus du tout. Hein. Ouais, mais après tu sais, il y a quand même beaucoup de catcheurs à la WWE, JTG, Yoshitatsu. Non mais avec Kurt Hawkins, Yoshitatsu et entraîneur au développement de Tulsa Hunter. Ah, d'accord. Ah bah ça y est, on Oui, est oui. de super pouce encore, ça va arriver. Et au rayon des brèves aussi, tout à l'heure, on en discutait sur le chat interne de l'émission. On se demandait pourquoi Lana était mise avec Alexander Rousseff, en fait, parce qu'elle est bien américaine. Et vu que son père travaillait dans l'armée, elle a grandi en Lettonie. Donc c'est ce qui a dû aider pour son accent à la soviétique. Donc petit pays juste à côté de la Tu maison mère m'espionnes de alors? Alexana. Ah Et oui, la oui. Lituanie, oui, voilà. Et donc là, c'est la Lettonie. Et deuxième petite news, pour ceux qui se souviennent, Adrian Neville, vous avez pu le voir en 2009 à la NWE sur Direct 8, à l'époque commenté par Célian Varini et Alexandre Delperrier. Donc d'ailleurs, c'était mythique au niveau des commentaires qui étaient assez spéciaux. Mais vous pouvez encore retrouver des épisodes sur YouTube et tout ça, avec Adrian Neville qui combattait sous la gimmick de Jungle Pack. Et le nom qui illustrait vraiment la gimmick, on aurait dit Tarzan. Et puis on confirme aussi que au tout départ on vous parlait du drapeau flandrien, il y a une confirmation que Sami Zayn, alias El Generico, à l'époque avait bien combattu masqué en Belgique. Donc Flandrien, ça n'existe pas, hein, c'est flamand. à flamand, peut-être que j'ai dit flandrien. Merci, désolé. Oula, j'allais pas créer d'incident diplomatique avec les Belges quand même. Déjà qu'ils s'entendent pas entre eux, alors là, C'est on va vrai. avoir du mal. C'est vrai, mais bon, sur le catch, tout le monde s'entend selon certains sujets. Par exemple, là, Bo Dallas est nul. Sami Zayn est bon. Voilà. Adrien Neville est bon. Bo Dallas est nul. Voilà. Voilà, ça faudra retenir bien comme il faut parce que Bo Dallas peut arriver malheureusement plus rapidement que d'autres à WWE. Ça, c'est le pistonnage qui existe parfois. Voilà. Et ben pour finir l'analyse de ce pay-per-view, ben on va passer quand même aux fameuses notes sur 10 traditionnelles. Donc allons-y pour la petite réflexion rapide. On va passer à Sébastien. Aïe aïe, tu me files la patate chaude, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir, mais bon, on va dire que l'opener est excellent. Le main event conclut très bien la soirée avec un changement de titre. Après, ce qui se passe entre les deux n'est pas exceptionnel. Mais bon, pour un premier show en direct, je mettrais un bon 6 pour ce pay-per-view-là. Vers pas. 7,5 moi. Une bonne note. Ah oui, quand même. Ouais, Malgré qu'il y ait pour eu ce Shawn show-là. Michaels, on l'avait pas précisé pendant l'analyse, mais il y avait Shawn Michaels qui a introduit le main event. Ouais, qui sait pas parler, et après 20 ans de carrière, il a toujours du mal dans un speech, c'est quand même grave. Mais en dehors de ça... Ah, c'est le président du fan club qui parle. le fan club CM Punk, Ric Flair, Shawn Michaels. Il y a beaucoup de membres, hein. Ne vous y méprenez pas. Il y a beaucoup de participants, mais en dehors de ça, il y a vraiment un opener qui est d'une qualité quasiment WrestleMania, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on a quelques petits matchs qui sont courts, avec des personnages plus secondaires, donc comme ça prend pas trop de temps et qui sont pas mauvais, on voit que c'est un show qui est vraiment bien préparé, donc il n'y a pas de gros temps mort. Vraiment un show très bon, quoi. Vraiment rien à dire, c'est limite meilleur que certains pay-per-view qu'on a pu avoir à l'automne dernier à WWE. Mais moi je vais mettre une note équivalente à Seb 6, parce que bon, quand même, ouais, le show a duré 1h55 au total, il n'y a pas eu de temps mort, les clips étaient bien faits, et puis bon, bah, que dire de cet opener qui a volé la vedette à tous les matchs, c'est naturel, les deux sont au-dessus du lot, je dirais, donc il n'y a rien à dire, et puis évidemment, même si le ladder match ne laissera pas de souvenirs impérissables, toujours la joie de voir Neville conserver, et puis Page aussi, je suis content pour elle, donc il n'y a rien à dire, c'est pour ça 6. Pour une fois, je vais faire du calcul mental. Donc, ça nous fait 19 divisé par 3, ça fait du 6,33. Voilà. Donc, show, qui est dans une note bonne très honnête. Hein. Ah oui. Très honnête, ouais, pour ce premier pay-per-view. Oui. Eh oui, tout premier sur le WWE Network et puis tout premier de NXT surtout. Ben, je pense qu'on peut refermer ce premier épisode de NXT podcast. S'il y a quelque chose à rajouter. Non, un bon petit numéro pour commencer la série qui, je l'espère, sera très longue de ce beau podcast. Et puis si vous avez des questions un petit peu plus détaillées sur certains catcheurs, certaines catcheuses, n'hésitez pas à nous contacter sur le Twitter @WestosRadio, sur le Facebook WestosRadio entre parenthèses officielles, ou par mail à westosradio@gmail.com tout attaché. Bon, on va partir sur... je vais ajouter qu'on est disponible aussi sur YouTube, sur iTunes et sur archive.org. Les partenaires FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch As You et Revolt. Voilà. Petites infos. On vous avait informé que le live, malheureusement, n'était pas passé techniquement, mais vous pourrez retrouver donc un nouveau numéro de Lena Wessels quand même sur Elimination Chamber, donc il sera dispo depuis 24 heures. Quand ce podcast sortira, on aura déjà sorti au préalable le Lena Wessels. Donc voilà, c'est à peu près tous les deux mois. Et puis au programme ensuite du mois de mars, il y aura Impact Wessels, vu que le 9 mars il y aura lockdown. Et puis le pré-WrestleMania, l'épisode pré-WrestleMania qui sera précédé en fait avant du Vintage Wrestles sur WrestleMania 6. Et ensuite le pré-WrestleMania, c'est grosso modo dans la quinzaine qui précède WrestleMania qui aura lieu le 5 avril. Et le prochain direct, ça devrait être pour le podcast, pré-WrestleMania, voilà. Pas à Castres. Ouais, ça c'est une petite blague de merde, mais il en fout, c'est la trademark de l'émission. Et donc à moins qu'il y ait des dédicaces à faire passer éventuellement, on peut rendre l'antenne et puis vous donner rendez-vous pour le prochain numéro et n'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous étiez quand même presque une centaine à nous suivre durant le live de Lightning Wessels. On espère que vous avez bien apprécié ce nouveau numéro. On attend vos réactions. À ciao.